je rappe ici. C'est pour les gars de la Tessie et de la demi. Ils sont presque la mafia qu'un frais. Mais qu'est-ce que tu crois? Si je rappe ici, qu'est-ce que tu crois? J'aurais voulu être un artiste, mes couilles. J'aurais voulu être un mec riche. Mais lorsque je m'adresse au public, faut pas que je triche. S'ils veulent se rendre compte de la tâche qui leur incombe, moi je reste de ceux dont on dit qu'ils ont gâché leurs possibilités. J'ai du mal à comprendre. J'aurais donc voulu que je me vende. Ferme les yeux sur la douleur qui écrase les miens. L'éternel combat du quotidien, la lutte par tous les moyens pour accéder aux moyens de réussir. Et tu veux que je te dise, le pire c'est contre violence et souffrance. À ce jour je suis coincé, mais ainsi soit-il. J'ai fait mes choix, et aussi hardcore qu'ils soient, je fais preuve de ma foi et ne collabore pas avec l'État. Vie hardcore, entraîne texte hardcore. Narrateur des derniers temps, grave les événements du moment sur ton papier. Puis signe authentifie ta sincérité. Je veux te citer l'utilité du don que tu as hérité. Le succès prémédité n'est pas mérité. Quand tu as déserté ta cité, abandonné les déshérités. Éviter à l'aube du jour dernier d'empêcher les gens de faire preuve de réflexion. Tout cela parce qu'on se moque moins qu'on se moque sous la pression. J'ai bien l'impression volontaire et l'abrutissement. Sachez qu'en ce qui me concerne, comme dans le passé, je suis sous condition et le peura. Je suis tombé dedans, cela depuis trop longtemps. Je t'explique en 2-3 temps, 10 ans. Et maintenant disons qu'avec Teddy, Mehdi, Rocco Siffredi, on retient le crédit qui nous revient. Mais ceci on te l'avait prédit. Si les médias veulent nous diffuser, elles diffuseront du idéal. Jusqu'au bout je resterai vrai. Combien de portes nous ont claqué au nez. J'ai pensé que plutôt que frapper, valait mieux les faire sauter. Et sachez que chez moi, les étapes se grimpent une à une. Tu t'accroches à ce que t'as, tu baisses pas ton froc pour des thunes. Quand le bitume, l'amertume nous consume. C'est toute une génération qui est noyée par la fibre. Notre vie c'est éternelle conquête du respect. C'est côtoyer la violence dans tous ses aspects. Dois-je avouer ne pas être le plus faible ni le plus fort. Avoir côtoyé la peur, si toi jamais, c'est que t'es un mec en or. Or l'argent fait courir mes frères dans tous les sens. Attise leur jalousie et décuple leur arrogance. Personne veut céder, accroché à ce qu'on croit posséder. Les FD jusqu'à décéder, ce qu'il y a des comme des pédés. On se blesse, on se teste, histoire de montrer sa valeur. Mais tant que ma famille ne sera pas à l'abri, je connaîtrai pas ma valeur. Je remercie Dieu si mon esprit s'éveille. Aujourd'hui veille sur les miens, pour que de ma plume s'échappe des merveilles. À ton réveil, n'oublie pas que le chétan veille. Pour qu'à chaque lever de soleil, tu sois pire que le jour de la veille. Il a possédé ceux qui, à ce jour, ont trahi le I des algies écrit par la jalousie. Ainsi, pour ceux qui ont cru que je n'étais pas issu de la Zermie, aujourd'hui, j'ai écrit originaire d'Haïti. Si je rappe ici, à ce jour, c'est que c'est ma dernière chance. C'était un tragique parcours. De ne pas être battu par la France, ma famille étant en danger, je risquerais de me transformer, de rentrer dans le vif du sujet sans me conformer à vos lois. Ici, je pousse mon dernier cri, avant que mes victimes poussent elles aussi leur dernier cri. De mes textes, mes œuvres pleuvent mes larmes et mon sang, conscient que dans ma vie, tu fais maintenant éruption. À chaque moment, m'attire les manches, te fais part de mes tourments. Si je te mens, naturellement, la mort m'attend au tournant. En attendant, je colporte la vérité avec mon stylo. Ça lie un papier de mes pensées et assemble des mots. Puis il se trouve que ces mêmes mots riment, assassinent le signe d'une époque où domine la drogue, le sexe et le crime. Et je signe, je fais plus ça pour le plaisir, mais pour l'amour du hip-hop, je m'en bats les couilles pour te dire combien de fois j'ai menti le rap du haut des tours de béton. Quand je passais à l'action, les flics à l'intersection, qu'est blanc. Et selon ma superstition, ma progression fut progrès d'un trait par l'œil des gens. Forcément, les inconvénients quand ton nom devient public, tu excites, fais des fans mais également des fanatiques. Faut pas être le favori des dingues ni celui des baltringues. Que Dieu m'en soit témoin, je veux être celui des gens bien. Et souviens-toi que quand tu me vois, faut me laisser passer mon chemin. Afin que tu comprennes bien, pas d'être humain au-dessus de l'être humain. Sachez que mes fautes sont graves et que mes défauts sont larges. J'arrive en éclaireur même si mon cœur est en naufrage. Petit tube, la musique vacille, je navigue entre violence et souffrance, ma douleur m'intrigue. Je suis pas là pour faire le zoom, je suis pas là pour faire la pompe et ça. Je suis pas là pour faire le zoom, c'est pas le rap. J'attends des chiens à ma porte. Chaque jour, ronge mes jours. Conséquence ou destin. Au mien. changer leur quotidien, leur tendre la main et le cœur sur la main. Moi je représente. Mes œuvres bluffent, mes larmes et mon sang. Ne comprendront que ceux qui doivent comprendre. Ne comprendront que ceux qui doivent comprendre. Si je rappe ici, je rappe ici, je rappe ici, je rappe ici.